Et Moudalia se transforme en waouh. Pourquoi se transforme en waouh? Ça, c'est une illa sarfia qui s'apprend dans les kutub de sarf. Là, c'est pas le niveau de ce livre-là. Là, c'est juste du par cœur. Là, il faut apprendre par cœur. Et pourquoi le alif devient waouh? Ça vient à l'origine du mot. Il faut revenir à l'origine du mot. Masdar, comment ça se transforme en waouh? Ça, c'est dans Fatel Wadud, par exemple. Tu l'apprends. Taïeb. Après, le deuxième genre de adjouaf, celui dont le aïn devient un ya dans le Moudalia. Comme Ja'a Yadji'u. Donc Ja'a, il a quel wazn? Comme Kale. À la wazn, fa'la. Et Yadji'u, il a quel wazn? À la wazn, Yafi'lu. Vous voyez, Yafi'lu. L'autre c'est Yafu'lu, on a pris le fils, celui-là c'est Yafi'lu. Donc Ja'a Yadji'u, c'est venir, Ja'a c'est Marlou, ça veut dire venir. Ba'a Yabi'u, qui veut dire vendre. Sara Yassiru, qui veut dire avancer, évoluer, se déplacer, marcher aussi. Asha Yaishu, qui veut dire vivre. Kala Yakilu. Kala, c'est prendre des mesures d'un Kail. C'est une mesure spéciale. C'est un peu proche de Wazana, sauf que c'est un truc spécial. C'est pas avec le poids, c'est avec une mesure. Ça, c'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie, c'est celui dont le Aïn devient. Ou reste un alif au Moudalia. C'est un alif au Mardi, c'est un alif au Moudalia. Comme Nama Yanamu, qui veut dire dormir. Donc Nama à la waz, fa'la. Et Yanamu à la waz, yafa'lu. Vous voyez, yafa'lu. Khafa yakhafu, avoir peur. Kada yakadu. On avait dit quoi? Ça veut dire être sur le point ou faillir. Quand c'est au Moudalia, c'est être sur le point. Et quand c'est au Mardi, c'est faillir. Mazala la yazalu. On l'a déjà pris celui-là, c'est être toujours, ne pas cesser, ainsi de suite. Donc il dit, tiens, tu vois, tu vas lire les exemples qu'il cite là maintenant. T'as Amel Mayali, mais dites ce qui suit. Donc là, il va te montrer quoi? Ce fil Adjouaf, on m'en dit quand il est attaché au Damir. Comment tu dis? Quand tu es quoi au Jamara, nous le Niswa, ou avec tel Fayal, et ainsi de suite. Tfaddal. Hamid Khala. Non, Hamid a dit. At-Tullab Khalu. Non, donc là, il y a rien. On a juste mis Waw Jama'a à la fin. Il n'y a pas de truc spécial. Amina Khalat. Non, on a juste mis Tanif Sakina. At-Talibat Kulna. Non, donc regarde là. Kulna, il s'est passé quelque chose. Il manque une lettre. Vous voyez? C'est quoi qui s'est passé? Le Alif, il est tombé. Vous voyez? Et le Kaf, il a pris une Dhamma. Pourquoi le Alif, il est tombé? Regarde, au-dessus, on a dit « Et tout le Kalu » avec un Alif. Et en bas, on a dit « Le Talibat Kulna ». Normalement, on aurait dû dire quoi? Kalna. Mais il s'est passé un changement. Donc, premièrement, le Alif, pourquoi il est tombé? Tu te rappelles la cause? Tika Sukun. Ah, ouais, Tika Sakinen. Pour pas que le Alif, il a une Sukun, il se rend compte avec le Lem qui vient derrière, qui est le même une Sukun. Donc, comme on n'a pas le droit, c'est la lettre Half Illa qui tombe. C'est le Alif ou le Wa ou l'Ya qui tombe. Parce que c'est une lettre qui est faible, comme tu l'apprends en Sarf. Et pourquoi le Kaf il a pris une Dhamma? Ça, c'est une Illa Sarfiya qui revient à la lettre qui est au Moudalia, qui est le Wa. Ça, Inch'Allah, c'est pas vraiment le sujet du Ders. Celui qui connaît Kaala, il apprend par cœur. C'est tout, il sait qu'on dit comme ça. Et plus tard, il apprendra les règles, Inch'Allah. Tfaddal. Antakulta. Non. Antum kultum. Donc, tu as dit et vous avez dit. Donc là, Kulta, ça fait comme Kulna. C'est la même chose. Le Alif, il est tombé, parce qu'il y a une rencontre avec le Lem, qui lui-même est le Sukun. On n'a pas le droit de faire rencontrer de le Psakin. Et le Kof, il a pris une Dhamma, pour une cause qui est liée au Sof, qui revient à l'origine du mot, au Moudalia, qui est un Waouh. Et Atum Kultum, c'est pareil. C'est la même chose. Faddal. Tu as dit, toi, une femme, et vous avez dit, vous, des femmes. Donc là c'est pareil, c'est le même sebeb, pourquoi le alif est tombé, pourquoi c'est un dhamma qui est venu. Naam. Ensuite. Ana kultu. Naam. Nahnu kulna. Naam. J'ai dit et vous avez dit. Et là c'est pareil. Donc en général, voyez, dans le verbe mardi, le adjouaf, le haf illa, à part avec qale et qalu, et à part waw jama'a et avec huwa et avec hiya, le Aïn il tombe. Le Aïn il tombe. Rabian, Yakul, Asnid, Kama, Wazara, Wakana, il est le Dhamma Ir, Kama, Fit Tamarin, et Sabir. Donc tu prends Kama et tu fais comme on a fait avec Kala. Tu prends Hamid, tu prends Toulab, ainsi de suite, et à la place de Kala, tu mets Kama. Tfadol. Hamid Kama. Naam. طلاب قاموا Naam. آمنة قامت Naam. الطالبات قمنا Kumna. Naam, Ahsant. أنت قلت أنت قمت Kumta. أنتم قمتم Naam. أنت قمتي أنتن أنتن قمتن أنا قمت نحن قمنا طيب fais-le avec Kana carrément aussi. On va laisser Zahra, c'est pas la peine. On va prendre Kana. حامد كان نعم الطلاب كانوا نعم آمنة كانت نعم الطالبات ما في شيء على وزن كن فولا فولنا بتو على وزن فولنا كن كنا ايوه نعم كنا أنت أنت يعني أنت أنت كنت كنت أنتم كنتم نعم أنت كنت نعم كنتن كنتن نعم أنا كنت نحن كنا نعم donc tu vois quoi regarde on va reprendre les collets Hamid collet collet elle a أي وزن quelle mesure فعلا الطلاب قالوا على وزن فعلوا طيب أمينة قالت على وزن فعلت الطالبات كلنا على وزن على اي وزن الطالبات كلنا سي على اي وزن سي كو لو وزن كلنا فولا فولنا طيب فولنا على وزن فولنا انت قلت على وزن فولتا انتم قلتم على وزن فولتم انت قلتي على وزن فلتي انتن كنتن قلتن على وزن فلتن وعند انا قلت على وزن فلت ونحن كلنا على وزن فلنا دونك لا دون تو سي فيرب لا ا بار avec هو avec هم و avec هي لو عين اللي طومبي طيب خامسا اكرم يلي لي سو كي سوي تفضل اي ترجم ان شاء الله الجمل زرنا المدرسة الجديدة البارحة نعم nous a visité hier. Hein? Là. Si, nous a visité. Là. Nous avons visité le nouveau professeur hier. ذقت هذا الطعام يا أخي. نعم. ذقته ووجدته لذيذا جدا. نعم. As-tu goûté cette nourriture, mon frère? نعم. Oui, je l'ai goûté, je l'ai trouvé très bon. نعم, très bonne. Donc, Zaka, Yazuku, c'est comme Kala Yakulu. Et Zukta, c'est comme on a dit Ekulta. Et Zukta, c'est tu as-tu goûté. Et Zuktuhu, c'est comme tu disais Kultuhu. Je l'ai dit, et Zuktuhu, je l'ai goûté. Naam. Thalithan. Zahatu ila Makkata wa tuftu bil Kaaba. Naam. Je suis parti à Mekka et j'ai tourné autour de la Kaaba. Naam. Sunna yawm al-Ithnayn. Oui, nous avons jeûné 2 jours. Hein, là. Le lundi. Non, c'est ça. ماذا قلت لحامد يا أحمد؟ ما قلت له شيئا. Qu'as-tu dit? Hamid يا أحمد. Je lui ai rien dit du tout. Non. متى قمت من اليوم يا أبنائي؟ قمنا قبل أذان الفجر. يعني combien avez-vous là. Maintenant là, quand est-ce que vous êtes levé de votre sommeil? Yani du sommeil. Pour mes enfants. Mes fils. Mes fils. Mm. Nous sommes levés avant l'appel avant l'Aden du Fajr. Non. بار الطفل في ثوبي. يعني الانفان يوريني سو مون ابي. نعم. تبت الى الله. يعني جو مسي روبونتي الى الله عز وجل. كنت متعبا اليوم فلم اذهب الى المدرسه. Yani j'étais malade hier, Fatigué, on va dire. fatigué. Moutab, c'est être fatigué. Hier, je suis Non, reparti. c'est pas hier. Aujourd'hui, je suis pas parti à la madrasa. Zarani sadiqi ams wa zurtuhu Non. al-yom. Mon ami m'a visité hier et je l'ai visité aujourd'hui. Donc là, on a vu quoi? Le mardi. Vous voyez? Faire à jour avec Allah. On a vu au mardi, mais donc maintenant, encore maintenant, on va voir le Moudalia. Comment on fait au Moudalia? Il dit, Ta'amel Mayali. Hamid Yakoulou. Hamid dit. Donc là, quand c'est devenu quoi au Moudalia? Yakoulou. Le alif, c'est devenu un waouh. Vous voyez? At-Tulab, Hamid Yakoulou, la Aywazn, Yafoulou. Hamid Yafoulou. At-Tulabu Yakouloun. Les étudiants disent. À la wazn, Yafouloun. Aminatou Takoulou. Aminatou dit. À la wazn, Tafoulou. At-Talibatu Yakulna. Donc là, regarde, c'est comme on m'a dit, les trois premiers avec Houa, avec Houm et avec Ya, le Ayn y reste. Parce qu'il n'y a pas de Tikol Sakinay. Le Ayn y reste. C'est le Waouh. Maintenant, avec les autres, tu vas tomber. Tu dis, et talibat, yakulna. Vous voyez, les étudiants me disent, et yakulna la waz, yafulna. À la waz, yafulna. Anta takulu. Là, il revient. Vous voyez, anta takulu, toi, tu dis, le waouh, il est revenu. Vous voyez, parce que voilà, là, il n'y a pas d'iltiqa sakinain, il n'y a pas de rencontre entre deux harfs sakin. Antum takulun. Vous dites, là pareil, le waouh, le ayn, qui est le waouh dans le verbe, il est toujours là. Il n'y a pas de tikos sakinay, donc il reste. Anti takulina. Toi tu dis, en parlant d'une femme. Antunna takulna. Donc là, le ayn, il est retombé, le waouh, il est retombé. Pourquoi? Parce qu'on a le lem qui est une sukun. Ana akul. Je dis. Le waouh, il est revenu, le ayn, il est revenu. Nahnu nakoul, pareil, il est revenu. Il tombe pas là. Donc le moudali, il a wazn. Ana akoul masalen, elle a wazn. Afoul. Nahnu nakoul, nafoul. Ainsi de suite. Yakoul. Asnid, yakoum, wayatouf, il est le damaïr, comme il est le tamarin, et le sabia. Quand tu fais pareil là, comme on vient de dire, à la place de kala, tu mets kama. Et après, tu prends tofa. حامد نعم حامد يقوم نعم الطلاب يقومون نعم آمنة تقوم آمنة تقوم نعم الطالبات تقمن يا C'est pas ça. Yakumna. Madame Yakumna. Antum takoum. Antum takoumoun. Anti takoumine. Antunna takoumna. Ana akoum. Nahnu nakoum. Non. Maintenant, tu fais pareil que toi, Hamidun yatouf. الطلاب يطوفون آمنة تطوف الطالبات تطوفن أنت يا تطوف طفلة يطوفن نعم أنت تطوف أنتم تطوفون أنت تطوفين أنتن تطوفن أنا أطوف نحن نطوف طيب أحسنت ثامنا إكرام يلي donc là il donne des exemples avec le verbe adjouaf ou mudawaliya تفضل تقرأ وترجم c'est toujours avec le celui dont le عين c'est un واو mudawaliya أنا أزورك وأنت لا تزورني يعني moi je te visiterai et toi tu ne me visiteras pas là c'est plutôt moi je te visite et toi tu ne me visites pas يطوف الحجاج بالكعبة يعني لي بيلغان تورنو تور دو لا كعبة نعم ماذا تقولين يا أمي Yani qu'est-ce que tu dis à ma mère? Uridu an akuna mudarrisan. Yani je voudrais être un professeur. Al banatu yazurna al khalatahunna kulla usbu'. Yani les filles, non. Elles visitent leur tante, hein, oui. Toutes les semaines. Non. قال الطلاب للمدرسهم يا أستاذ يا أستاذ نحن نريد نحن نريد أن نزور أن نزورك غدا. يعني les étudiants ont dit à leur professeur, oh professeur, nous voudrions te visiter demain. Maintenant, il passe une autre étape. Il va te faire comprendre comment conjuguer ce verbe lorsqu'il est majzoum. Parce qu'il y a harf jazm qui rentre comme l'aim, ou la nahi, ou ainsi de suite. Il y a un changement qui se produit aussi à cause de la rencontre de l'Afsakim. Il dit Yakoulou. Vous voyez, donc là, il n'y a rien. Yakoulou, moudalir, là, il est mal fort. Il y a rien de spécial. Le waou qui est le aïn est présent. L'origine, si tu rentres l'âme, tu vas dire l'âme yakoul. L'origine, c'est quoi? C'est que le waou, il reste, et que le lem, il prend le sukun. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Il dit quoi, sakinein? On a la rencontre de l'absakin. Donc, il y en a une qui doit tomber. C'est laquelle qui tombe, on a dit, c'est la harf ella, parce qu'elle est le plus faible. Donc, on fait tomber le waou. On fait tomber le waou, et on dit quoi? L'âme yakoul. Taïeb, l'âme yakoul, bidon waou. C'est toujours le mot à lire. Majzoum avec l'aim, sauf que là le waouh il est tombé à cause de quoi? La illa, la cause c'est el tika sakinei. Et l'am yakoul à la aywazm. L'am yafoul. Vous voyez, l'am yakoul c'est la wazm, l'am yafoul. Il dit atril l'aim à l'afal atia wazbut ha bishakl. Donc rentre l'aim dans les verbes suivants et mets les bonnes harakat. De mon compte, tu vas juste lire. Prononce bien de sens qu'on voit qu'il n'y a pas de med, qu'il n'y a pas de hafa'il. Non. Tfaddal. Yakounu. Comment tu vas dire? Lam yakoun. Lam yakoun. T'as un exemple d'un verset connu où il y a ça? Lam yakoun. Lam yakoun illadina kafar. Ahsant. Lam yakoun illadina kafar min al-kitab. Yakoumu. Yakoum. Lam yakoum. Lam yakoum. Yaboulu. لم يبول لم يبول يزور لم يزور يصوم لم يصوم يتوب لم يتوب نعم هذا سهل هذه 10 اجيب عن الاسئله الاتيه بالنفي مستعملا لم donc réponds aux questions suivantes par la négation en utilisant لم. La première question: أزرت المدير يا علي. As-tu visité le directeur ou Ali? لم أزور المدير. نعم. Tu peux dire لم أزوره. Pour faire un اختصار. Donc non, je n'ai pas visité. ثانياً أقام أخوك من النوم. Est-ce que ton frère s'est réveillé du sommeil? لم يقوم أخي من النوم. Mon frère ne s'est pas réveillé. Il ne s'est pas levé du sommeil plutôt. Parce que réveiller c'est plutôt استيقاظ. Réveiller c'est استيقاظ. Et أقام c'est se lever. ثالثاً أبال الطفل في قميصك. Est-ce que l'enfant, le petit enfant, a uriné sur ton kamis? Lam yaboul el tifl fi kamisi. L'enfant n'a pas uriné sur mon kamis. Rabi'an. Asumta amsin ya. Asumti afwan. Amsin ya Aïchatu. As-tu jeûné hier ou Aïcha? Lam asum ams. Non, je n'ai pas jeûné hier. أكنت في الفصل في الحصة الأولى. Étais-tu en classe lors de la première séance? أكنت في الفصل في الحصة الأولى. Non, je n'étais pas en classe lors de la première séance. أذقت هذا الطعام أو أذقت هذا الطعام يا أمي. As-tu goûté cette nourriture ou ma mère? لم أذق هذا الطعام. Non, je n'ai pas mangé cette nourriture. Je n'ai pas goûté plutôt. أكلت هكذا يا عمر. As-tu dit comme cela ou Omar? لم أقول هكذا. نعم، je n'ai pas dit comme ça. إعادة أخوك من الرياض يا سلمى. Est-ce que ton frère est revenu de Riyad ou Salma? لم يعد أخي من الرياض. Mon frère n'est pas venu de Riyad. أتوفت بالكعبة يا أخي. As-tu fait les tours rituels autour de la Kaaba, ou mon frère? لم أطوف بالكعبة. Je n'ai pas tourné autour de la Kaaba. عشيران. أكنت مريضا في الأسبوع الماضي. Étais-tu malade la semaine dernière? لم أكن مريضا. لم أكن مريضا في الأسبوع الماضي. نعم. Je n'étais pas malade la semaine dernière. Hadi Acha. Mata le kalb, est-ce que le chien est mort? Lam yamutu. Lam yamutu le kalb. Pourquoi on a mis une kasra? Pareil pour Tiko Sekin entre le T et le Alifolem qui vient du kalb. Lam yamutu le kalb, comme ça on dira. Taïeb. Maintenant, on a quoi? Dernière partie. À faire le am, l'impératif de ces verbes-là. Toujours avec le fil adjouf, voyez, celui dont le rime c'est un waouh. Sani Achar, il dit, t'amène Mayali. Donc là, c'est le fil am. Il dit, t'akoulou. Ça, c'est tu dis. Quand on fait le am, on enlève le te. Ça, c'est marlouf. Voyez, on enlève le te. Donc ça veut dire quoi? Tu veux dire quoi? Cool. Le problème, c'est que là, on a le waouh qui se rencontre avec le lem. Le waouh est sakin et l'aim sakin. Donc on va dire quoi? Kul. Le hafer est là, il tombe. Comme dans avec le jazm. Le waouh, il tombe. Pour quelle cause? Il tika sakinei. La rencontre entre deux lettres sakin. Donc tu dis quoi? Kala yakoulou. Le am. Pour toi, tu dis kul. À la waz, full. Tu voyez? À la waz, full. Donc il dit. Sors el am min la fal atia. Donc il dit quoi? Constitue. L'impératif des verbes suivants. Tasoumou, comment tu vas dire? Le am. Lam tasoum. La am. Ah, tu parles du am. Lam. Soum. Lam, arsat. Takoumou. Koum. Koum. Takounou. Koum. Koum. Tazourou. Zour. Lam. Tatoufou. Touf. Taoudou. Oud. Tatoubou. Toub. Tazoukou. Zour. Lam. Donc ça, c'est avec anta. Il n'a pas mis le homme avec les autres de Maïr. Ikram Mayali, lis les phrases suivantes. Il donne des exemples avec du. Zorni Radania Mahmoud. Allez, visite-moi demain au Mahmoud. Non. Oui, Bada Sa'a. Il revient après une heure. Koumin Huna. Wajilis Hunaka. Allez, lève-toi ici. Et assis-toi là-bas. Soum Radan. Il dit jeûne demain. Pour. Donc, هذا الطعام يا أخي, يعني goûte cette nourriture, mon frère. توب إلى الله أيها المسلم, يعني repens-toi à Allah, oh musulman. Ô toi le musulman. Hein? Ô toi le musulman. أيها, ça serait plutôt par ô toi. ولا يفهم العربية. قل له هذا الكلام باللغة. يعني, lui il ne comprend pas l'arabe. Dis-lui cette parole, par sa langue. Non, avec sa langue. Ou en sa langue. En sa langue. Tof bil Kaaba, tourne autour de la Kaaba. Là, bil Kaaba, ouais, ça s'agirait par autour. Le bil de Kaaba, il s'agirait par autour. Il sort de son sens d'origine. Ce qu'on pourrait croire, tof bil Kaaba, on pourrait croire que c'est quoi? Tourne par la Kaaba, ou avec la Kaaba. Je sais pas comment ils disent en français, il y a un mot là. Circumambulation. Ils sont partis trop loin. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لله المشرق والمغرب. يعني Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son messager صلى الله عليه وسلم, dit Allah, c'est Allah qui appartient. C'est Allah qui appartient le vent et le couchant. Le vent et le couchant. Là. Allez. Dernière partie, maintenant c'est lorsqu'on rentre la nahiya, celle qui le harf jazm qui interdit de faire une chose. Et c'est comme l'aim, c'est la même que l'aim. On va voir le tikon sakinei, voyez, entre le ayn et le l'aim, donc qu'est-ce qu'on fait? Le ayn il tombe, il y a rien de nouveau. Donc il dit, t'amènes ma yali.